2. Le meilleur archer de Sherwood. Ce jeune homme souriait au vieillard et tenait respectueusement la main son bonnet vert orné d'une plume de héron. Une masse de cheveux noirs légèrement bouclés couronnait un front plus blanc que l'ivoire et largement développé. Les paupières, repliées sur elles-mêmes, laissaient jaillir au dehors les fulgurances de deux prunelles d'un bleu sombre dont l'éclat se veloutait sous la frange des longs cils qui projetaient leur ombre jusque sur les pommettes rosées des joues. Son regard nageait dans un fluide transparent comme un émail liquide. Les pensées, les croyances, les sentiments d'une adolescence candide s'y reflétaient comme dans un miroir. L'expression des traits du visage de Robin annonçait le courage et l'énergie. Son exquise beauté n'avait rien d'efféminé, et son sourire était presque le sourire d'un homme maître de lui-même lorsque ses lèvres, margées de corail et réunies par une courbe gracieuse à son nez droit et fin, aux narines mobiles et transparentes, s'entrouvraient sur une dentition éburnéenne. Le hâle avait bruni cette noble physionomie, mais la blancheur satinée de la carnation reparaissait à la naissance du col et au-dessus des poignets. Un bonnet avec plumes de héron pour aigrette, un pourpoint de drap de Lincoln serré à la taille, des hautes chausses en peau de daim, une paire de brodequins attachés au-dessus des chevilles par de fortes courroies, un baudrier clouté d'acier brillant et supportant un carquois garni de flèches, le petit corps et le couteau de chasse à la ceinture et l'arc en main, telles étaient les pièces de l'habillement et de l'équipement de Robin Hood, et leur ensemble plein d'originalité était loin de nuire à la beauté de l'adolescent. « Et si tu m'avais transpercé le crâne au lieu de me chatouiller l'oreille ?» dit le bon vieillard en répétant les dernières paroles de son fils d'un ton de sévérité affectée. « Méfiez-vous de ce chatouillement-là, sœur Robin, il tuerait plus souvent qu'il ne ferait rire. »« Pardonnez-moi, mon père, je n'avais nullement l'intention de vous blesser. Je le crois bien, parbleu. Cher enfant, mais cela pouvait arriver. » Un changement dans l'allure de mon cheval, un pas à gauche ou à droite de la ligne que je suivais, un mouvement de ma tête, un tremblement de ta main, une erreur de ton coup d'œil, un rien, enfin, et le jeu que tu jouais était mortel. Mais ma main n'a pas tremblé, et mon coup d'œil est toujours sûr. Ne me faites donc pas de reproches, bon père, et pardonnez-moi mon espièglerie. Je te la pardonne de grand cœur, mais ainsi que le dit Ésope, dont le chapelain t'a pris les fables, est-ce un divertissement pour un homme que le jeu qui peut tuer un autre homme ? C'est vrai, répondit Robin d'un ton plein de repentir. « Je vous en conjure. Oubliez mon étourderie. Ma faute, veux-je dire. C'est l'orgueil qui me l'a fait commettre. L'orgueil. Oui, l'orgueil. Ne m'avez-vous pas dit hier au soir, à la veillée, que je n'étais pas encore assez bon archer pour effleurer le poil de l'oreille d'un chevreuil, afin de l'effrayer sans le blesser ? Et j'ai voulu vous prouver le contraire. Jolie manière d'exercer son talent. Mais brisons-la, mon garçon. » Je te pardonne, c'est entendu, et je ne te garde pas rancune. Seulement, je t'engage à ne jamais me traiter comme un cerf. Ne crains rien, père, s'écria l'enfant avec tendresse. Ne crains rien. Aussi espiègle, aussi étourdi, aussi grand joueur de tour que je puisse être, je n'oublierai jamais le respect et l'affection que tu mérites. Et pour la possession de la forêt de Sherwood tout entière, je ne voudrais pas faire tomber un cheveu de ta tête. Le vieillard saisit affectueusement la main que lui tendait le jeune homme et la pressa en disant « Dieu bénisse ton excellent cœur et te donne la sagesse. » Puis il ajouta avec un naïf sentiment d'orgueil, qu'il avait sans doute réprimé jusqu'alors, afin de m'originer l'imprudent archer, « Et dire que c'est mon élève. Oui, c'est moi, Gilbert Head, qui le premier lui a appris à brander un arc et à décocher une flèche. L'élève est digne du maître et s'il continue, il n'y aura pas de plus adroit tireur dans tout le comté, dans toute l'Angleterre même. Que mon bras droit perde sa force, et que pas une de mes flèches n'atteigne le but si jamais j'oublie votre amour, mon père. Enfant, tu sais déjà que je ne suis ton père que par le cœur. Oh, ne me parlez pas des droits qui vous manquent pour moi. Car si la nature vous les a refusés, vous les avez acquis par une sollicitude, par un dévouement de 15 années. Parlons-en au contraire, dit Gilbert, reprenant sa route à pied. Et traînant par la bride le poney, qu'un vigoureux coup de sifflet avait rappelé à l'ordre. Un secret pressentiment m'avertit que des malheurs prochains nous menacent. Quelle folle idée, mon père! Tu es déjà grand, tu es fort, tu es rempli d'énergie, grâce à Dieu. Mais l'avenir qui s'ouvre devant toi n'est plus celui que j'entrevoyais lorsque petit et faible enfant, tantôt boudeur, tantôt joyeux, tu grandissais sur les genoux de Marguerite. Qu'importe, je ne fais qu'un vœu, c'est que l'avenir ressemble au passé et au présent. Nous vieillirions désormais sans regret, si le mystère qui couvre ta naissance se dévoilait. Vous n'avez donc jamais revu le brave soldat qui m'a confié à vos soins? Je ne l'ai jamais revu, et je n'aurais su qu'une fois de ses nouvelles. Peut-être est-il mort à la guerre, peut-être. Un an après ton arrivée chez moi, j'ai reçu par un messager inconnu un sac d'argent et un parchemin scellé de cire, mais dont le cachet n'avait pas d'armes. Je donnai ce parchemin à mon confesseur qui l'ouvrit et me révéla le contenu que voici mot pour mot. Gilbert Head, j'ai placé depuis 12 mois un enfant sous ta protection et j'ai pris vis-à-vis de toi l'engagement de te payer pour la peine une rente annuelle. Je te l'envoie. Je quitte l'Angleterre et j'ignore l'époque de mon retour. En conséquence, j'ai pris des arrangements pour que tu touches tous les ans la somme due. Tu n'auras donc à l'époque des échéances qu'à te présenter dans le cabinet du shérif de Nottingham et tu seras payé. Élève le garçon comme s'il était ton propre fils. À mon retour, je viendrai te le réclamer. Pas de signature, pas de date. Et d'où venait ce message? Je l'ignore. Le messager partit sans vouloir satisfaire ma curiosité. Je t'ai souvent répété ce que le gentilhomme inconnu nous avait raconté à propos de ta naissance et de la mort de tes parents. Je ne sais donc rien de plus sur ton origine, et le shérif qui me paye ta pension répond invariablement, lorsque je l'interroge, qu'il ne connaît ni le nom, ni la demeure de celui qui lui a donné mandat de me compter tant de guinées par an. Si maintenant ton protecteur te rappelait à lui, ma douce Marguerite et moi, nous nous consolerions de ton départ en pensant que tu retrouves des richesses et des honneurs qui t'appartiennent par droit de naissance. Mais si nous devons mourir avant que le gentilhomme inconnu reparaisse, un grand chagrin empoisonnera notre dernière heure. Quel grand chagrin, père! Le chagrin de te savoir seul et abandonné à toi-même et livré à tes passions au moment de devenir homme. Ma mère et vous avez encore de longs jours à vivre. Dieu le sait. Dieu le permettra. Que sa volonté soit faite. En tout cas, si une mort prochaine nous sépare, sache, mon enfant, que tu es notre seul héritier. La chaumière où tu as grandi est tienne. Les défrichements qui l'entourent sont ta propriété. Et avec l'argent de ta pension, accumulée depuis 15 années, tu n'auras pas à redouter la misère. Et tu pourras être heureux si tu es sage. Le malheur t'a frappé dès ta naissance, et tes parents adoptifs se sont efforcés de réparer ce malheur. Tu penseras souvent à eux, ils n'ambitionnent pas d'autres récompenses. L'adolescence s'attendrissait. De grosses larmes commençaient à sourdre entre ses paupières, mais il contint son émotion pour ne pas augmenter celle du vieillard, détourna la tête, essuya ses yeux d'un revers de main, et s'écria d'un ton de voix presque joyeux. « Ne touchez plus jamais à un aussi triste sujet, mon père. La pensée d'une séparation, quelque éloignée qu'elle soit, me rend faible comme une femme, et la faiblesse ne convient pas à un homme. » Il se croyait déjà homme. « Sans nul doute, je saurai un jour qui je suis. Mais ne le saurais-je pas que cette ignorance ne m'empêcha jamais de dormir tranquille ni de me réveiller gaiement. Parbleu, si j'ignore mon véritable nom, noble roturier, je n'ignore pas ce que je veux être. » Le plus habile archer qui ait jamais tiré une flèche sur les daims de la forêt de Sherwood. Et vous l'êtes déjà, Sir Robin, répliqua Gilbert avec fierté. Ne suis-je pas votre instituteur? En route, Gip, mon gentil poney, ajouta le vieillard en remontant en selle. Il faut que je m'hâte d'aller à Mansfield Full House et de revenir sans quoi Maggie fera une mine plus longue que la plus longue de mes flèches. En attendant, cher enfant, exerce ton adresse. Il ne tardera pas à égaler celle de Gilbert Head dans ses plus beaux jours. Au revoir.